6 semaines. C'est exactement la moitié du temps de ma résidence. 6 semaines. C'est maintenant le temps qui me reste pour terminer mon projet. Aujourd'hui, il y a une femme qui est venue visiter mon studio. Elle s'occupe des expositions à Tent, qui est un lieu super à Rotterdam. Une vraie galerie avec des vrais beaux murs tout blancs. 6 semaines, qu'elle m'a dit. In 6 weeks, it would be nice to show your work in Tent. J'en reviens pas. Puis en même temps, c'est cool, ça fait du bien. Fait que, attachez votre truc avec de la broche parce qu'il me reste 6 semaines pour faire la job, pour couper tout le bois, pour poser toutes les vis, coudre toutes les toiles, taper tout ce qu'il y a à coder. Je suis pas mal stressé depuis que je suis arrivé. Je suis comme fébrile. Je me ronge les ongles jusqu'à l'os. Faut que je me calme. C'est sûr qu'il y a tellement d'incertitudes, tellement de choses à faire qui sont pas juste possibles avec un ordinateur. Ça donne froid dans le dos des fois. Mais bon, en même temps, ça fait du bien. Check, aujourd'hui, j'ai hijacké un vieux speaker que j'ai trouvé dans ma chambre en arrivant pour en faire une espèce de métronome. J'ai respiré des vapeurs de plomb en étreignant mon nouveau fer à souder. Wow, c'est comme je disais, ça fait du bien de faire autre chose que d'écrire sur un clavier. En tout cas, allez voir sur mon site, il y a une section journal. Vous allez voir ce qui me trotte dans la tête. Puis vos commentaires seraient appréciés. Aussi, vous avez remarqué que sur le site, il y a une section anglaise. Bon, dans cette section-là, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a une section qui s'appelle « Make and Do ». Qui correspond en fait au cours que à la formation que je suis. Donc, il y a d'autres contenus dans cette section-là. Puis, c'est ça aujourd'hui. Je voulais juste vous annoncer cette bonne nouvelle-là. Je vais exposer dans un lieu superbe à Rotterdam vers la fin du mois de mai. Et ça va être là jusqu'à la fin juin. S'il y a des gens qui viennent dans le coin, ben vous allez pouvoir avoir un mois pour venir voir l'installation Flag. C'est ça. Je vais vous souhaiter maintenant une bonne nuit. Et pour mon ami Jonathan, je vais le faire avec ma voix radiophonique la plus langoureuse. Donc, pour toi, Joe, je te souhaite